À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, un colloque sur sa grandeur a eu lieu le 6 courant dans la maison des femmes à Pyongyang, en présence des membres et permanentes de l'Union des femmes. Les orateurs ont dit que le grand leader Kim Il-sung a fondé les idées du Juche et l'idée de Sungun qui éclairent la voie de la révolution coréenne pour que la Corée, autrefois éclipsée sur la carte du monde, puisse avancer sûrement sur la voie de la cause d'indépendance, cause de la révolution Juche, avec son idéologie directrice la plus scientifique et originale.